toutes. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. Même t'étais

mais rien n'est vraiment sûr. Et l'avenir fragile pour les princes de l'huile. Des idées bizarres, vivre au rythme des guitares. Le rock and roll star, rêver des mots, vivre au rythme des canaux, yeah. Le rock and roll show, ooh yeah. amertume mais sans privation. Voici donc le duo avec le groupe 21 et le titre s'appelle Change les choses. Sans condition. Je rêve d'un monde où l'on traque la misère sans modération. Où l'addition serait de tous les problèmes la solution. Sans division. Je mesure tous les impairs et chaque jour j'espère que les comptes changent. Il est temps que ça s'arrange. À ton échelle, change les choses. Tu auras gain de cause si les méthodes que tu proposes recomposent. À ton échelle, change les choses. Le courage s'impose, mais il faudra bien que tu oses la métamorphose. Je rêve d'un monde où l'on se voit égaux de droit et de fait. Où les fécondes secondes passent au-delà des défaites. Comme on le souhaite. J'estime la différence qui passe son insolence. Nous donne l'envie de nous rendre à l'évidence. À ton effet, change les choses. Tu auras gain de cause si les méthodes que tu proposes recomposent. Crée l'osmose. À ton effet, change les choses. Le courage s'impose, mais il faudra bien que tu oses la métamorphose. À ton échelle, change les choses. Tu auras gain de cause si les méthodes que tu proposes recomposent. Je rêve d'un monde sans larmes, sans amertume, mais sans privation. Just remember to always think twice. Don't think twice. Don't think twice.

t'as laissé de ta jeunesse derrière les barreaux d'une prison. Parce que tu avais eu de la tendresse pour une bagnole ou un blouson. Quand t'as laissé passer ta chance et qu'elle ne t'a pas retenu, tu te retrouves en état d'urgence au bureau des objets perdus. Vous avez pu entendre tout simplement Pierre Mackizy. Et puis juste maintenant, eh bien, c'est Nathalie Alia. Laissez-moi chanter. Après, on écoutera Séverine avec Billy. Quelque chose de bien qui cherche de pire, une carte du destin. Quand t'as gardé passer ta vie avec l'impression d'être en feu, tu te demandes pas si tu as envie de vouloir être quelqu'un d'autre. Regardez toutes ces vitrines avec les mains derrière ton dos. Même si demain t'es James Dean, t'auras l'impression d'être zéro. Qui connaît le plus les matins malheureux? Laissez-moi chanter. J'ai rencontré des bergers qui m'ont fait voyager.

me dijo que quería que me pase por ahí. Y ya llegó la hora y yo estoy aquí. Dime, señorita. Unas palomas. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici un petit bonjour à Florian et voici des morceaux portugais. Dão todas peças para não os ver chorar. Agora é a nossa despedida. Adeus, amor, irei esperar por ti. Leva a foto dos nossos pequenos para te lembrares de quem te ama até o fim. Adeus, amor, eu sei que vais embora. Jura que virás para nos levar. Eu vou cuidar dos nossos pequeninos, dizer que os amas e que vais voltar. Adeus, amor, eu sei que vais para longe. Prometo ser fiel até ao fim. Só quando eu estiver aí contigo, com os nossos filhos, eu serei feliz. Chegou a hora de tu ires embora. Sei que não te vais esquecer de nós. Vou pedir a Deus que te proteja e para a nossa vida voltar. Agora é a nossa despedida. Adeus, amor, irei esperar por ti. Leva a foto dos nossos pequenos para te lembrares de quem te ama até o fim. Adeus, amor, eu sei que vais embora, mas jura que virás para nos levar. Cuidar dos nossos pequeninos, dizer que os amas e que vais voltar. Adeus, amor, eu sei que vais para longe. Prometo ser fiel até ao fim. Só quando eu estiver aí contigo, com os nossos filhos, eu serei feliz. Estudar. vrem mi, tu poți își căsuri, ei vei șanti, nu sunt mă să fi votira. Flash, flash, preca, flash, flash, prala, ventina nu mă să fi creio că nu publica. Flash, flash, preca, flash, flash, prala, ventina nu mă să fi vamos ver o que estuda. Só que não liga nada às redes sociais. Gosta de mim, sei que é só meu. Mas para as fotos, ai Jesus, valha-me Deus. Não gosta de internet, nem quero Facebook. Eu digo sempre, meu amor, tens que mudar. Chega-te aqui para mim, tu só tens que sorrir. E bem juntinhos, uma selfie vou tirar. É flash, flash para cá, é flash, flash para lá. Vem tirar uma selfie que eu quero publicar. É flash, flash pra cá, é flash, flash pra lá. Vem tirar uma selfie, vamos ver o que isto dá. Então vamos lá todos tirar uma selfie. Machine à écrire, je m'échine à t'écrire. Machine à mentir, je m'applique à tout dire. J'ai comme une cutie qui vire quand je revois ton sourire. Machine à désir, est-ce que tu vas revenir? Machine à désir, est-ce que tu vas revenir? Majuscule, minuscule, se bouscule derrière une virgule. Je te formule, je recule et bascule comme un funambule. Et la nuit se chiffonne. Feuilles de papier carbone. Y a plus de voyelles, y a plus de consonnes. Je t'aime comme personne. Comme ces mots résonnent. Je t'aime comme personne. Comme ces mots résonnent. Machine à écrire, je m'échine à t'écrire. Machine à souffrir, je m'applique à sourire. Déjà je peux plus dormir, je me casse comme une tirelire. Machine à délire, est-ce que tu vas revenir? Machine à délire, est-ce que tu vas revenir? Je saute un cran en passant, je laisse un blanc pour sortir des rangs. Je reste en plan, fatalement, je lève le camp côté sentiment. Et la nuit se chiffonne. Feuilles de papier carbone. Y a plus de voyelles, y a plus de consonnes. Je t'aime comme personne. Comme ces mots résonnent. Je t'aime comme personne. Comme ces mots résonnent. Machine à écrire, je m'échine à t'écrire. dit. Je sais que cette fois tout est fini. Pourquoi continuer à subir? Pourquoi continuer à se mentir? Comment faire pour ne pas trop souffrir? Comment faire pour ne pas se détruire? Je ne veux pas te faire de mal. Non, surtout pas, ça me rend malade. Je suis complètement perdue. Je t'aime, mais ne te désire plus. Désolée. Jamais te quitter, désolé, désolé. Jamais je n'aurais pensé qu'un jour cela puisse nous arriver, oh mon amour. Complètement perdu, je t'aime, mais ne te désire plus. Désolé, il me faut l'avouer. Désolé, il me faut l'accepter. Je pensais t'aimer à en crever. Je pensais ne jamais te quitter. Voici donc s'appelle Isa, le titre injuste. Les autres, et pourtant tant de choses, un ressenti de mépris. Au lever de ton lit, souvent tu mets la distance. Par peur de te tromper, souvent tu parles de préférence. Sans I'm sonnant minuit, ironiquement nous engage à nous rappeler quel usage nous filme du jour qui s'enfuit. Aujourd'hui, date fatidique, vendredi 13, nous avons, malgré tout ce que nous savons, mené le train d'un hérétique. Mais Jésus, des dieux le plus incontestable, comme un parasite à la table de quelques monstrueux Crésus. Nous avons pour plaire à la brute, digne vassal des démons, insulté ceux que nous aimons et flatté ceux qui nous rebutent. Contristé, servi le bourreau, le faible qu'à tort on méprise. Saluer l'énorme bêtise, la bêtise offrant de taureau. Baiser la stupide matière avec grande dévotion et de la putréfaction. Bénis la blafarde lumière. Le vertige dans le délire. Nous, prêtres orgueilleux de la lyre, dont la gloire est de déployer l'ivresse des choses funèbres. Bu sans soif et manger sans faim. Vite, soufflons la lampe afin de nous cacher dans les ténèbres. Son titre qui s'appelle La Paix, puis juste après l'Élise avec un déclic. Les colombes dorment à l'ombre de bronze olivier, vieux comme Hérode. Et non que veut pas. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Un coin de terre pour se promener, une rue pour parler aux voisins, un banc pour voir les gens passer, une plage au soleil. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Des enfants dans une cour d'école, des femmes libres comme l'air, et la musique d'une mandole pour danser, remuer la poussière. La paix, la paix. même à la mode. La paix, la paix, la paix, la paix. La paix, la paix, la paix, la paix. Un toit, une chambre avec vue. Des orangers dans le désert. Please. que je ne serai jamais comme vous voulez. Autant que j'assume ma propre personnalité, je vais me voici donc Kenji Girac avec Thiago. Mille on a ramé, maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si devient... sur cette chanson, petit coucou à tout simplement mamie Fernande, voilà Brice. Donc eh bien n'oubliez pas que pour le jeudi 17 octobre, mamie sera à 14h à Châtenay pour son spectacle. Voilà donc pour le 17 octobre avec mamie Fernande. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Qui se moque de toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera à quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour l'unir. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Mon ami Thiago. Mon ami Thiago. Mon ami, Thiago, Thiago. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le dire. Thiago. Donc, eh bien, cette chanson, un petit bonjour à tout le monde, tout simplement, vous savez très bien, pour Brice, il sera tout simplement à Châtenay, tout simplement le 16. Voici tout simplement, on s'appelle Nancy. Et le titre, je chanterai. Même au solitaire, nous te consolerons plus, quand mes yeux plus très clairs t'auront perdu de vue. Quand mes bras impuissants ne te protégeront plus, quand mes pas hésitants m'auront mille fois perdu, chanterai dans ton cœur. Chanterai dans ton cœur. Pour que mes mots sèchent tes larmes, je chanterai. Pour que mes notes versent ton âme, je chanterai. Pour ce monde devenu fou, je chanterai. Qu'il lui soit, ce monde inhumain, n'aura aura plus rien de beau. Quand les humains enfin auront sauvé leur peau, chanterai dans ton cœur, chanterai dans ton cœur. Et comme mes mots se jettent tes larmes, je chanterai. Et comme mes notes versent ton âme, je chanterai. Pour ce monde devenu fou, je chanterai. Nous sommes donc le mardi. Voici tout simplement les émissions juste après, à partir de 17h. Donc à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver Funky juste après, entre 19h et 21h, avec Christophe et Colpic Choc. Demain, nous serons mercredi à partir de 9h jusqu'à midi avec Victor. Puis dans l'après-midi, eh bien, vous allez retrouver tout simplement entre 15h et 17h avec au micro ouvert Valérie. Puis entre 17h et 18h, Irène Lavie, pas comme ça, Lavie comme elle va, voilà. Et puis entre 18h jusqu'à 19h30 avec Violette traditionnelle et puis David qui suit entre 19h30 et 21h avec David. Voilà, donc on continue bien sûr les chansons différentes. If you don't love me, just say I'll never stay in your way. Nobody hurt me this way. Give me a reason to stay. Hey, hey. I wonder why. I wonder why. Why do you hurt me?

Et puis le titre qui suit juste après, c'est Spagna. Oh, Voici, je vous laisse avec du country, puis juste après, ce sera Mélissa. Whenever I chance to meet some old friends on the street, they wonder how does a man get to be this way. I've always got a smiling face, anytime and any place. Every time they ask me why, I just smile and say, you've got to kiss an angel good morning and let her know you think about her when you're gone. Kiss an angel good morning and love her like the devil when you get back home. Well, people may try to guess secret of a happiness, but some of them never learn it's a simple thing. The secret I'm speaking of is a woman and a man in love, and the answer is in this song that I always sing. You've got to kiss an angel good morning, let her know you think about her when you're gone. Kiss an angel good morning and love her like the devil when you get back home. Kiss an angel good morning and let her know you think about her when you're gone. Kiss an angel good morning and love her like the devil when you get back home. Listen to my story about a man named Jed. Poor mountaineer, barely kept his family fed. And then one day he was shooting at some food, and up through the ground come a bubbling crude. Oh, that is black gold, Texas tea. First thing you know, old Jed's a millionaire. Kinfolk said, Jed, move away from there. He said, California is the place you ought to be. So he loaded up the truck and they moved to Beverly Hills, that is, swimming pools, movie star. It's time to say goodbye to Jed and all his kin. They would like to thank you folks for kindly dropping in. You're all invited back again to this locality to have a heaping helping of their hospitality. Beverly Hillbillies, that's what they call them now. Nice folks. Y'all come back, yeah? Seras-tu là dans mes prières?

est enchanteur. Elle traverse mes rêves et je frémis d'avance d'être roi de ma reine comme à l'adolescence. Elle invente chaque nuit près de moi un monde où n'existe qu'elle et moi. Alors je sens l'amour grandir en moi. Ce rêve inaccessible est fait pour moi. Elle traverse mes rêves de toute sa splendeur. Tous les mots sur ses lèvres viennent enchanteurs. Elle traverse mes rêves et je frémis d'avance d'être roi de ma reine comme adolescent. Elle traverse mes rêves, je ne veux plus la quitter. Chaque nuit sans pareil nous a réunifiés. Elle reviendra demain pour mon plus grand plaisir. Car chaque nuit sans elle me ferait mourir. Car chaque nuit sans elle me ferait mourir. Juste un instant, puis entendre tout simplement Sébastien, et puis voici Servicampos, et suivi de Nel, tout simplement. Et puis son titre s'appelle Serre-moi. All have story. We better have to live. We're searching for something. No, we don't want the same. We never wanna end up. We never think about it. We just know what we ever. We don't, we don't. Are we happy? Are we today? What do we need to be happy? Are we happy? Are we today? What do we wait? Mañana un misterio. La vida es preciosa. Aquí estamos ahora. We never wanna end up. We never think about it. We just know what we better. We don't, we don't. Are we happy? Are we today? What do we need to be happy? Are we happy? Are we today? What do we wait to be happy? Lo que damos, ya lo tendremos, ya lo

voir son caractère. 22 chromosomes et 20 secondes pour vous plaire. Tous ces hommes et pourtant si différents, origami comme un papier d'origami. On se plie, on se monnaie, on se déplie dans son sommeil. La vie nous fait autour des yeux des rides en soleil. Quand on est heureux, origami, comme un papier d'origami, on se plie, on se monnaie, on se déplie dans son sommeil. Vous avez pu entendre tout simplement Lauriane Bach avec tout simplement Henri Jima. Voici donc eh bien Eddy Díez tout simplement avec Miranda. Puis juste après on écoutera Ophélie tout simplement d'autres chansons d'Ophélie. Morival. Este sentimiento de amor, escucha mi corazón, señorita, señorita. Bienvenido a Juice, la team, All United, Barcelona. Avec toi, on pourra s'en aller. Ouh, oh, oh, je veux te rendre folle, danser contre ton corps, un habillable assemblé. Un instant avec toi, j'imagine n'importe quoi. Ici, à quelque calor, souillement sans sel, tu es la flamme qui me mène à ces désirs. Fantamé. Enflammé, embrassamé, baissamé. Juste une seule fois. Guantamé, enflammé, embrassamé, baissamé. Je n'oublierai pas. Tout forma, tout mirada. Juste une seule nuit avec toi, on pourra s'en aller. Oh, oh, oh, je veux te rendre folle. Danser contre ton corps, un habillage. On pourra s'en aller. Ouh, oh, oh, je veux te rendre folle. Danser sur ces accords. Un ami abrace ta mère. Tu m'as brûlé les ailes, a fait naître l'étincelle qui brille en moi. A que calor. Un déhanché de salsa, mojito Barcelona. Viva la vida. Cuéntame. Enflammé, embrassamé, baissamé. Juste une seule fois. Guantamé, enflammé, embrassamé, baissamé. Je n'oublierai pas. 1, 2, 3, 4. Tout forma, tout mirada. Juste une seule nuit avec toi, on pourra s'en aller. Oh, oh, je veux te rendre folle. Danser contre ton corps. Un ami embrassamé. Avec toi, on pourra s'en aller. Oh, oh, oh, je veux te rendre. Danse, danse, danse. Danse, danse, danse. Abrázame. Juste avec moi. On pourra s'en aller. Oh, oh, je veux te rendre folle. Danser contre ton corps. Ven a mi abrazarme. Veo tu forma, tu mirada. Juste une seule nuit avec toi. On pourra s'en aller. Oh, oh, je veux te rendre folle. Danser sur ces accords. Ven a mi abrazarme. Ah, ma fée. De sève, à vouloir trop exister, tu oublies de respirer, les envies dans le noir, tu préfères ne rien voir, du temps à prendre, du rêve à vendre, du rêve, du temps à prendre, du rêve à vendre, du rêve. Que ta voix est sans issue, sans trêve, sans trêve. Mais tout est là dans tes mains, ton bonheur et ton destin. Il suffit de vouloir et tu peux tout avoir. Du temps à prendre, du rêve à vendre, du rêve, du temps à prendre, du rêve à vendre, du rêve. Du rêve à vendre, du rêve, du temps à prendre. Du rêve à vendre, du rêve, du temps à prendre. Du rêve à vendre, du rêve, du temps à prendre. Du rêve à vendre, du rêve, du temps à prendre. Du rêve à vendre, du rêve, du temps à prendre. Du rêve à vendre, du rêve, du temps à prendre. Du rêve à vendre, du rêve, du temps à prendre. Du rêve à vendre, du rêve, du rêve. Du temps à prendre. Du rêve. Bonjour, c'est Ciliane sur Radio Arc-en-Ciel. Retrouvez-moi avec l'album Effervescence. Et voici donc un titre s'appelle Marianne. Marie, Marianne, presque avons pu choisir, mais nous avons tout gardé. Plage et palmier, des clichés de vacances, soleil couché. C'est la nuit qui s'avance et dire qu'enfin les heures vont cadencer. Jusqu'au petit matin, nous n'aurons qu'à danser. Sur cette chanson là qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver donc et eh bien déjà vendredi. Ceux qui tombent les premiers. Le temps venu solitaire. Nous serons des milliers. Voilà donc je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. Et puis donc eh bien restez bien à l'écoute de l'arc-en-ciel, la radio tout en couleur. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. Et non.